Voici l'humeur de Guillermo Guiz, señor. Oh non. Ah, caramba. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour. À l'origine, j'avais noté bonjour les amis. Pourquoi ? Mais on va arrêter de se mentir. j'en suis revenu de la politique de la main tendue avec vous. Chaque semaine, j'ouvre mon cœur, je vous donne du bonjour les amis. Et vous, Nagui, vous m'arrachez l'innocence à coup de oh, oh, ami, c'est vite dit. C'est vrai. T'es qui ? T'as fait quoi ? T'as gagné combien d'argent ? Non. Entre autres saillies humiliantes, souvent exacerbées d'ailleurs par les rires complaisants des collabos qui gigotent autour de cette table. Déception ! Bon, Daniel Morin, bon, le cheveu ras, l'allure franchouillarde, j'avais anticipé. Mais alors, a le goût, Albert a le goût. Je croyais que le maréchal Ganache était un personnage. Déception ! Déception, bref. Et tu te trompes. Déception. Toujours au rayon fascisme et rigolade, j'ai lu dans Le Point qu'un bar ouvertement d'extrême droite venait d'ouvrir dans le centre de l'île. Non. C'est vrai, si, absolument. Ouais. Ça s'appelle la Citadelle et ils ne servent que les Blancs, apparemment. Donc, très sympa quand même. À fond, du Blanc ou les Blancs. Les Blancs. Faudra qu'on y aille boire un verre à l'occasion après l'émission pour avec se plaisir. Faire notre propre idée. Avec des tranches de saucisson. Oui, moi je peux pas y aller. Je sais que c'est pas cool, mais bon, je suis sûr que ça va pas être si bien que ça à l'intérieur non plus. Enfin voilà, on vous racontera. Il y a que ça qui me reste le vendredi, ce genre d'infos. Puis, à leur habitude, les incalculables billettistes de France Inter ont déjà siphonné l'océan de l'actualité avec leur gros chalut. C'était ça où je vous parlais des déclarations de Jean-François Copé. Et là, je me permets de sortir deux secondes du cadre de la radio et de ses codes. En fait, même dans ma vie privée, j'évite de parler de Jean-François Copé. Vous savez, la vie, c'est fragile. Sur un claquement de doigts, un accident de bagnole, un concert de Grégoire mal soigné. Et c'est terminé. Non, non, on sait jamais. Ce serait trop con de mourir juste au moment où je parle de Jean-François Copé. Alors, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Les aînés, ils le savent, par exemple. Vous croyez que Jean d'Ormesson, il parle de Jean-François Copé? Jamais. Il prend ses précautions. Il sait que quand il a une conversation, bon ben voilà, c'est peut-être sa dernière conversation. Du coup, il a aucune envie d'entrer dans la légende en disant « Mais qu'est-ce que j'en ai à branler de Jean-François Copé ?» Quoi, t'es sérieux? C'était vraiment ça, les derniers mots de Jean d'Ormesson? Ben ouais. Ça a étonné tout le monde dans la pièce. On attendait un truc sur Balzac ou sur Lautréamont, à minima sur Bec BD, mais non. Jean-François Copé, mec. C'est moche, non? Quoi d'autre dans les restes de l'actu? Je vais pas vous parler une nouvelle fois d'Alstom et de l'arrêt de la production de locomotives à Belfort. Comment vous avez fait les chochottes dans ce dossier? C'est vraiment effrayant quand on parle de 400 personnes transférables sur d'autres sites en plus. Il y a deux semaines en Belgique, les Américains de Caterpillar, ils ont licencié 2200 personnes. Ça, c'est un licenciement de bonhomme. Ça, c'est un drame social. Alstom, c'est une comédie romantique, quoi. Vous rigolez, quoi. Vous imaginez ce que c'est 2200 personnes licenciées dans un pays comme la Belgique? Ça représente 9% de la population active, plus ou moins. Il y a au moins 3 membres de la famille du Premier ministre qui vont rester sur le carreau. Et le PIB, il va tellement plongé qu'on va juste l'appeler IB, dorénavant. Chez vous, c'est un vrai pays, quoi, avec des vrais millions d'habitants, et on parle de 400 personnes, même pas réellement licenciées. Ça, c'est même pas un couplet dans le nouvel album de Zaz. Vraiment, c'est du tout mou, quoi. Alstom, c'est le capitalisme à visage trop humain, quoi. Celui qui compatit quand ça pique au cul et qui, en plus, t'explique que t'as d'autres zones érogènes pour t'amuser, quoi. Vraiment, c'est ça. Va falloir vous endurcir un peu, les amis. Vous endurcir un peu, c'est pas ça la vraie vie. Par parenthèse, je rappelle que les licenciements de Caterpillar Charleroi se font au profit de Caterpillar Grenoble, qui va récupérer la production. Ah. Voilà. Et alors, j'ai tendu l'oreille partout depuis que je suis dans le bâtiment. J'ai pas entendu. Ah merci. Ben, oh, tu sais, la prochaine sera pour vous. 2200 de perdus, c'est 10 de trouver, rien. Bande d'ingrats. Parlant de licenciement, j'ai lu dans 20 minutes qu'un policier américain avait perdu son boulot, je cite, pour avoir refusé de tirer sur un noir américain armé. C'est quand même effarant. Alors je vous rassure, les choses n'en sont pas restées là. Durant l'arrestation, deux de ses collègues sont arrivés et ont abattu le noir en question. L'honneur de la police américaine est sauf. Je dis ça pour nos auditeurs de la Citadelle de Lille, à qui je souhaite un très bon Jean-François Copé. Allez, bon week-end encore et à bientôt.